Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 153, du vice de la luxure. Matière de la luxure, tout plaisir de la chair n'est pas illicite. La luxure est un péché mortel, et un vice capital, ses filles. 1. La luxure a-t-elle seulement pour matière les plaisirs de la chair? Les désirs et les plaisirs de la chair, voilà la matière spéciale de la luxure, vice par lequel on se livre aux dissolutions de la volupté, cause principale de l'énervement des âmes. 2. Tout plaisir de la chair est-il illicite? La conservation du genre humain, à laquelle se rapportent les plaisirs de la chair, est une fin aussi légitime que la conservation de l'individu, de même que l'usage des aliments pris dans l'ordre et selon la mesure du salut du corps n'est pas défendu, celui des plaisirs de la chair est pareillement permis dans l'ordre et de la manière qui convienne au but de la génération humaine. 3. La luxure est-elle un péché? Saint Paul écrivait, « Ne vous laissez pas aller avec excès au vin, il engendre la luxure. » Éphésiens 5, 18. La luxure est donc un péché. Plus une chose est nécessaire, plus on pêche en s'écartant des règles de la raison dans ce qui la concerne. L'usage des plaisirs charnels étant très nécessaire à la conservation du genre humain, il est de la plus haute importance d'y observer l'ordre et le mode que prescrit la raison. La conséquence à tirer, c'est que la luxure, qui sort des limites raisonnables, est un péché. Note. Faire un mauvais usage du corps humain, c'est offenser Dieu, qui en est le premier maître. Glorifiez et portez Dieu dans votre corps, disait saint Paul. 1 Corinthiens 6, 28. Dieu nous défend expressément de souiller par la volupté un corps qu'il a choisi pour son temple. Fin de la note. 4. La luxure est-elle un vice capital? La luxure, dont les plaisirs de la chair sont la fin, est un vice capital. Ces sortes de plaisirs, tant par leur vivacité que par leur rapport avec notre nature, ont une telle puissance sur notre appétit sensitif que, pour se les procurer, on commet beaucoup de péchés. 5. La luxure a-t-elle pour fille, la cécité spirituelle, la précipitation, l'inconsidération, l'inconstance, l'égoïsme, la haine de Dieu, l'amour de la vie présente et l'horreur de la vie future? Oui, ces filles de la luxure sont des suites de la violence avec laquelle elles captivent l'appétit inférieur et atteint par là la raison et la volonté. La raison a quatre manières d'agir, l'intelligence, le conseil, le jugement, et le commandement. Or, selon cette parole de Daniel 13, 56, la concupiscence a bouleversé ton cœur, la luxure empêche notre esprit de percevoir la vérité, de là la cécité spirituelle ou aveuglement de l'esprit. La luxure s'oppose ensuite au bon conseil, n'ayant, comme le dit Terence, ni mesure, ni prudence. Ceci s'appelle la précipitation. La luxure détruit la rectitude du jugement pratique, et c'est ce que Daniel 13, 9, disait, en parlant des vieillards impudiques, ils ont perverti leur sens pour s'écarter des jugements droits, voilà l'inconsidération. Enfin, la luxure anéantit le commandement, en ne permettant pas d'exécuter une résolution, de là l'inconstance. Terence disait très bien d'un homme qui voulait s'éloigner de sa maîtresse, une fausse larme triomphera de son dessein. Quant à la volonté, la luxure y produit pareillement quatre actes désordonnés, L'amour déréglé de soi ou l'égoïsme, à cause des plaisirs qu'elle recherche avec excès, la haine de Dieu, qui défend un tel plaisir, l'amour de la vie présente, dans laquelle seul on jouit des voluptés impures, et, par une suite nécessaire, l'horreur de la vie future, qui n'offre que des biens spirituels. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.